Tu es morte la vieille, toi qui disais la veille que tu voulais crever. Eh ben voilà, c'est fait. Tu es morte la vieille et tu nous as laissés sans air, sans terre, sans mer. Et moi quand je disais je voulais plus que tu sois là, je mentais, tu le sais. Et moi quand je disais je voulais plus tes petits plats, je mentais encore une fois.